Kryptonité cyborg. Ils peuvent toujours essayer de nous la prendre. Les coronas, elles sont à nous, mon pote. Eh ouais, King du King. Ils veulent des clics bam, des types pas nets. Des petites femmes qui flippent grave, ouais, des petites tabettes. Une armée de bras cassés va voir ce qui va se passer. Ces gars se tracassent à faire la guerre, mais ils ne font que trépasser. Allez, stresse pas, te blesse pas si le coup part. Pareil qu'ils sont meilleurs que nous, mais pour l'instant, moi j'y vois nulle part. Stylo clinquant, style raffiné. La concurrence teste la puissance pour essayer de s'affirmer. Ici, c'est pas mon clone, c'est Scriptorinité. Boss et boss, king des kills, manie, t'as pas idée. Moi j'ai sabré ma mine à coups de machete. Des morts sur mon passage par des nulleurs, ils savaient pas que j'étais. Le boss des boss, le king des kings, le master. Leur enterrement sur fond de ma mélodie dans le ghetto blaster. Regarde mes gars, c'est muy buena noche. Ya tengo yo el capitán. A lo que se ponga serán. Promo por la boca pa' que aguante si tú puedes charlatan. A lo que se ponga serán. Y si quieren más, hay más. Aquí se produce en cantidad. Papi, esta calidad es pa' patiente a la mitad. Con la ropa gana. Thank you.